cannellonnés. On vend la barrette aussi longue que des cannellonnés. Bien faut que j'arrête, je reprendrai en Calédonie. Faut cracher le dolé, rate de test, j'ai pas l'aide d'olive. Chelou, faut pas lui donner, on maîtrise ça comme la Valétonie. Toujours ai-je moi à caillou, là de nouveau joue dans les bails, aïe aïe. Ça crie toujours aïe aïe, ils veulent péter tout le détail, aïe aïe. Rabat c'est les deux, sur le casé, c'est la scellée, ça oh. Rabat c'est bête, me faire péter, puis pas laisser ça, nous, c'est comme des vrais qu'on pense. Timon, il est vrai, il pète, même pas besoin de voir récompense. Écoute ma gueule, je rappe la vérité. J'suis à peur quand j'ai pas un, ma voix plus d'une fois, ils ont failli. J'le crache plus dans son palin, amène ta bouche, t'es les opaïnes. Bonbonne de chez sa mère, comme d'un maudit par le temps, bloqué pour un salaire, un four sur refroidi par le vent. Bonbonne de chez sa mère, comme d'un maudit par le temps, bloqué pour un salaire, un four sur refroidi par le vent. Tu veux du rap, inigo, comme la drogue, je leur sers, illico. Rien ne sert de le faire, et mytho, je pète mon joint d'air, terre, les mycos. Bécane, vélo, stunt, on fait tout poisonner. Cache, coca, goulgan, on fait tout assommer. Bourré, je roule la patata, les commères leur racontent leur patati. C'est qui, c'est pas un pote à toi, tu veux qu'ils s'activent, hein, c'est pas d'arty. Pas d'interview, peu d'articles, je donne la tournance sa mère. Ton trienne et peu d'amis, succès comme les poires, les potes s'amènent. Mon frère, j'ai bon écharpe, descente, il fait chaud comme à Singapour. Caille sa mère, j'ai pas de bonne écharpe, jour 6, pour dos sûr que les 5 Gaspour. Rien de nouveau, j'suis dans les bails, aïe aïe. Ça crie toujours aïe aïe, you, ils veulent péter tout le détail, aïe aïe. Rien de nouveau, j'suis dans les bails, aïe aïe. Ça crie toujours aïe aïe, you, ils veulent péter tout le détail, aïe aïe. Dans le four, j'suis refroidi par le vent. Bonbonne de chez sa mère, comme d'un maudit par le temps. Bloqué pour un salaire, dans le four, j'suis refroidi par le vent. Chez sa mère, comme d'un maudit par le temps, bloqué pour un salaire, dans le four je suis refroidi par le vent. Dans le four je suis refroidi par le vent.